vrai dire sur ces équipes d'avenir. La vie est courte et tellement à parcourir. Il s'agit de courir pour parvenir à se nourrir. Puis vient livrer de famille, plus possible de dormir. Trop d'inquiétude au foyer, puis vient les loyers. La concierge qui tape au palais, elle n'aime pas ce son. Ce n'est pas sa génération, elle se fout. C'est toi ta vocation, son admiration c'est François Claude. Et quand vous voyez en bas des halls, elle te dit bonjour, tu comprends rien à cette folle. Je pose les choses de la vie sans être ravi. Trop de choses mesquines se passent sur le parvis. Puis on se sent trahi. Trahi, trahi, trahi, trahi. Ainsi la vie m'a instruit, des choses de la vie m'ont construit. On se relève avec le glaive, le froid au bout des lèvres. Cette misère qui nous resserre, la vie nous a pliés. Chasse là comme un pilier, cimenté par ce lycée. On me dit toujours que la roue va tourner, mais pour moi je crois bien que la roue est bloquée. Est-ce ma destinée? Aujourd'hui beaucoup d'obstinés, mes pensées sont bien loin d'être calcinées. Ici ce qu'on vit c'est pas du ciné. J'suis pas Superman, mais viens pas jouer le bolos sinon j'te crame man. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. Non, on ne cherche plus l'aventure. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. Non, on ne cherche plus l'aventure. Voilà un homme mature, un homme plus dur, je te jure. La vie j'ai contemplé et je la sens impure. Trop d'injures, trop d'insultes, trop d'injustices. De nos jours, on n'a plus de complices. 2006, on fait chacun son vice. Le vice est tellement sylpha qu'on pense plus à fightra. Après on s'enfonce, on fait rock, abouyaf, carba. Le vice est bien bas. Après tu peux que t'enfoncer dans ce que t'as creusé. Moi c'est qu'être chanceux, je tente ma chance sans en être prétentieux. On est tous vicieux, je trouve plus mon milieu. Et ce quartier que je dois vraiment fréquenter. Je regarde la vie comme un poison. Toutes ces vagues se forment, j'esquive ça comme un poisson. Reprendre les rênes serait une bonne solution. Imposer ma haine serait une bonne explosion. Rien de bon dans tout ça. J'ai le cœur brisé mais je nique ça. Je pense que l'avenir s'occupe de tout. Cadeau Diggy, on passe un début à tout. 2007, nouvelle recette. Fumer ses cauchemars. Briser ce miroir, pour moi aucun espoir. Une aventure sans penser au futur. Le passé m'a bloqué, le présent n'a encore rien changé. Pour moi rien de vraiment rose. Des faux semblants qui me pèsent comme un boulet. La misère au foyer, trop bien endouillé. Mec allume ta bougie, une pensée pour mes proches. Avec la main sur le cœur, j'suis pas prêt de vous oublier. Juste une petite douleur. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. On ne cherche plus l'aventure. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. On ne cherche plus l'aventure. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. On ne cherche plus l'aventure. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. On ne cherche plus l'aventure. La vie est tellement dure qu'on ne cherche plus l'aventure. On ne cherche plus l'aventure.